Chers frères et sœurs, nous remercions l'Éternel pour nous avoir donné encore ce temps de partager avec vous ce thème d'aujourd'hui qui est la prédication. Avant toute chose, comme d'habitude, nous allons remercier le Seigneur, notre Père Yahweh, de nous avoir mis ensemble, qui nous remplisse de son esprit afin que chacun d'entre nous soit prêt et soit concentré et soit disposé à pouvoir entendre les messages que l'Esprit va nous enseigner aujourd'hui. Que l'Éternel aussi m'aide à n'être que l'instrument de son Esprit et que je sois totalement débarrassé de pensées, des actes, des attitudes charnelles, afin que l'Esprit prenne à 100% charge de moi. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler de la prédication et l'enseignement. Papa Aaron nous a parlé, il y a les deux dernières prédications ou enseignements, il a parlé de la nécessité que chacun d'entre nous doit à pouvoir aller enseigner, proclamer la parole de l'Éternel, aller visiter les autres, aller inviter à travers la prédication. Mais aujourd'hui, j'ai préféré aussi aller dans le même sens que lui, en prenant le thème de aller enseigner, mais comment est-ce qu'on peut enseigner? Comment est-ce qu'on peut prêcher? La prédication elle-même, c'est quoi? Ça concerne quoi? Qu'est-ce qu'il faut prêcher? Pourquoi prêcher? Quelle est l'importance de la prédication? Quel est le résultat que cela donne ou donnerait à moi qui prêche, à ceux qui m'écoutent? Et qu'est-ce qu'il faut d'abord? Quelles sont les conditions pour prêcher? Ce sont des questions qu'il faut se poser, même si nous devons aller ensemble. Il nous faut que nous nous posions des questions pour comprendre le métier ou le travail que nous allons faire. Et puis, il y a aussi la dernière partie de ce partage, il y a un message que nous avons reçu de notre Père Yahweh, qui nous a envoyé un message particulier. Vous savez que nous sommes au 9e mois depuis qu'on a commencé. Nous avions commencé le 19. Mais l'année passée, aujourd'hui, nous sommes pratiquement au 9e mois. 9 mois pour, vous savez, c'est une période pendant laquelle un enfant peut être né. Donc, je présume que dans chacun d'entre nous, cette période pendant laquelle nous étions en train d'être formés, chacun doit être en mesure de défendre les vérités de Dieu, parce que Dieu est venu vers nous, il nous a choisis. Comme papa Aaron disait la fois passée, qu'une femme mauvaise, une mauvaise femme, détruit elle-même la maison avec ses propres mains. Est-ce que nous avons pu construire notre maison? Est-ce que nous avons pu garder l'alliance avec notre Père en bonne et due forme? Est-ce que nous avons été fidèles? Parce que lui, il a été fidèle avec nous. Si nous tenons aujourd'hui, c'est parce qu'il nous a gardés. Vous ne savez pas combien d'attaques que nous avons reçues, vous ne savez pas combien de problèmes que nous avons reçus, des critiques, tout. Mais lui, il était toujours avec nous. La preuve que nous sommes là. Nous payons 50 par mois et par dimanche. Personne ne croyait qu'on allait faire 9 mois, mais c'est Dieu qui nous a protégés. C'est Dieu qui a permis qu'aujourd'hui nous soyons. Est-ce qu'à notre tour, nous avons été fidèles? Avons-nous été fidèles à l'alliance, à la promesse, à l'accord qu'il nous a fait? Donc, nous allons d'abord commencer par le partage du thème d'aujourd'hui. Nous parlons de la prédication. Donc, première chose, prêcher, c'est quoi? La prédication vient du verbe prêcher. Prêcher, ça veut dire tout simplement défendre une idée, défendre quelque chose, défendre la parole de Dieu. C'est comme quelqu'un qui est l'avocat de la parole du Saint. Prêcher, c'est faire l'avocat de la parole de Dieu, c'est défendre la parole de Dieu. Et enseigner, c'est tout simplement communiquer. Cela veut dire que celui qui va communiquer doit être en mesure de défendre. Il ne faut pas aller vous permettre de dire n'importe quoi. Donc, quand vous allez là-bas, ce n'est pas que vous allez enseigner à un enfant, non. C'est un adulte, il va vous poser des questions. Donc vous devez être en mesure de connaître la parole de Dieu pour la défendre. Donc prêcher veut dire tout simplement défendre la parole de Dieu. Et communiquer, c'est juste enseigner, c'est juste communiquer. Donc, celui qui doit communiquer doit quelque part être en mesure de défendre C'est comme nous venons aujourd'hui ici, vous avez un problème, quand vous allez à la justice, on vous demande d'avoir un avocat. Parce que lui, il va vous défendre. On défend sur base de quelque chose. La loi. Lui, il connaît la loi plus que vous, il va vous défendre. Et nous aussi, quand nous allons prêcher, ça veut dire qu'on connaît la parole de Dieu. De manière, quand il y a une question qui va revenir, nous serons en mesure de la défendre. Alors, nous allons aussi parler de la condition. Quelle est la condition de la prédication? Dans la prédication, il y a deux acteurs. Il y a un qui doit écouter et un autre qui va enseigner. Celui qui doit enseigner, on l'appelle prédicateur. C'est celui qui doit prêcher, l'avocat de la parole de Dieu. Et l'autre, ça s'appelle enseigner. Alors, la condition de la première, c'est que le prédicateur doit connaître la parole de Dieu. Le prédicateur doit connaître la parole de Dieu. Un prédicateur ne peut pas aller n'importe comment. Il doit connaître la parole de Dieu. Et connaître, ça veut dire quoi? Parce que s'il n'est pas responsable, il doit être, s'il dit n'importe quoi, ou s'il n'est pas en mesure de défendre la parole de Dieu, un jour, Dieu lui demandera des comptes. C'est pourquoi on ne peut pas s'improviser prédicateur. C'est la même la raison pour qu'on nous demande de lire la parole chaque jour. C'est pour qu'on connaisse, qu'on soit en mesure de la défendre. Et nous allons prendre Jacques pour savoir qu'est-ce qui peut arriver quand on ne connaît pas la parole de Dieu. Jacques 3.1, on va lire le verset Jacques 3.1 qui dit que « Mes frères, qu'il n'y ait parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. » Donc, pour éviter d'être jugé sévèrement, vous devez connaître la parole de Dieu. Amen. Parce que nous serons jugés. Si vous mentez, donc vous allez vous entraîner quelqu'un dans la fausseté. Et c'est vous le responsable. Et c'est pourquoi nous serons jugés. C'est pourquoi Dieu nous a demandé la foi parce que nous devons lire la parole chaque jour pour la comprendre, pour aider les autres. Deuxième condition, ça concerne celui qui doit écouter. La parole de Dieu nous dit ceci, qu'il ne faut pas que l'enseigné écoute seulement. Avant d'écouter, il doit vérifier. Donc l'enseignant doit connaître, être en mesure de défendre, et l'enseigné doit aussi vérifier avant d'accepter. C'est un droit. Ce n'est pas une affaire d'un enfant. Non, c'est un adulte à qui vous enseignez. Lui aussi a le devoir. Donc quand moi je viens ici, je me présente devant vous pour enseigner, ne prenez pas parce que moi je suis venu vous enseigner. Ce n'est pas parce que je me présente devant vous que vous devez prendre, non. Et quand vous quittez ici, vous revenez la prochaine fois, ça veut dire que vous avez accepté. Et si vous n'avez pas accepté, vous devez revenir vers moi, dire, papa fidèle, vous aviez dit ces histoires ici, nous ne comprenons pas. Et tant que vous acceptez, ça veut dire que devant Dieu, vous dites oui. Et la troisième condition, c'est que les deux, donc et l'enseignant et l'enseigné, ils doivent mettre en pratique, parce que l'enseignant a donné l'enseignement, l'enseigné, celui qui a écouté, a accepté, ça veut dire que l'enseignement a été donné, donc les deux doivent mettre en pratique cet enseignement. Et si vous ne mettez pas en pratique, il y a un problème. Si vous ne mettez pas en pratique, on va lire ce que le Seigneur nous dit en Luc, verset 12. Luc 12, 48 à 37. Nous allons un peu lire Luc 48-47, 47-48. Les serviteurs qui, ayant connu la volonté de son maître et n'a rien préparé et n'a pas agi selon la volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Ça veut dire quoi? Dieu n'est pas là pour nous fouetter, mais c'est pour simplement dire que quand vous avez déjà l'enseignement, quand vous avez déjà entendu et que vous avez accepté, vous devez mettre en pratique. Parce que si vous savez déjà, mais vous ne pratiquez pas, ici la parole dit, les serviteurs auront plusieurs fouets. Amen. Donc, trois conditions. Pour l'enseignant doit connaître sa matière, parce que s'il ne connaît pas, s'il dit n'importe quoi, il sera sévèrement jugé. Deux, l'enseigné doit vérifier. Quand vous lisez 1 Jean chapitre 4, 1 Épître de Jean chapitre 4 verset 1, on vous dit que vous devez tester. Vous devez vérifier. Même la parole de Dieu nous dit en Timothée 2, chapitre 4, chapitre 2, verset 4, il dit que ce qui est agréable à Dieu, c'est de voir que tout le monde arrive au salut et tout le monde parvient à la vérité. Vous devez connaître, nous devons connaître la vérité. C'est un devoir. Quelqu'un vient avec un enseignement, il ne faut pas refuser. Accepter, vérifier. Il y a deux façons de vérifier. Vous discernez, vous prenez la parole de Dieu, vous allez vérifier si ce qu'il a dit c'est vrai. Autre chose, si vous n'êtes pas en mesure, priez, demandez à Dieu, est-ce que, papa, ce que moi j'ai entendu, c'est vrai ou c'est faux? Amen. Hein? Voilà les conditions. Maintenant, nous allons passer à la deuxième, au deuxième point, c'est la prédication. Nous allons vous demander, quelle est l'origine de la prédication? L'origine de la prédication, tout simplement, c'est Dieu. Parce que Père, Yahweh, qui aime tout le monde, qui aime le monde entier, il aime son peuple, hein? Il avait prévu sa parole comme nourriture spirituelle. Je vous avais dit que la vie qui intéresse notre Père, c'est la vie spirituelle. Quand il nous regarde, il ne nous regarde pas avec la chair, il voit notre esprit, notre cœur. Et la nourriture de notre cœur, ce n'est pas ce que nous mangeons matériellement, non, c'est la parole de Dieu. Et donc, Dieu avait prévu sa parole comme étant notre nourriture spirituelle. C'est comme ça que il a donné à cette nourriture une chair. Et cette chair, qu'on appelle en Jean 1, chapitre 1, verset 14, que la chair, c'est la parole se fait homme. C'est cette nourriture qui est devenue maintenant Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu pour nous enseigner. C'est lui qui avait la mission. La grande mission de Jésus, c'est nous enseigner. Nous allons voir, je vais vous montrer. Quand nous allons prendre Luc 4, verset 48, Luc 4, verset 48, on nous dit... 43. Luc 4, verset 43. Jésus leur dit, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Donc la mission première de Jésus-Christ, c'est de venir parler du règne de Dieu. Donc comme étant notre nourriture spirituelle. Et donc, Dieu, aujourd'hui aussi, après le départ de Jésus-Christ, c'est notre. Il nous a laissé, nous, la tâche de faire ce travail. Et comment Dieu nous a mis en nous chaque jour son esprit pour nous aider à faire ce travail-là. Amen. Donc, l'origine de la parole de Dieu, c'est complètement Dieu. C'est lui-même qui a prévu une nourriture spirituelle. Et non seulement il l'a donnée, il a même fait de cette nourriture-là, de la parole pour chair. Pour venir, quelqu'un pour venir nous enseigner. C'était Jésus-Christ. Il en est mort pour ça. Mais il nous a laissé une force pour nous aider à continuer ce travail. C'est l'Esprit de la... C'est l'Esprit Saint. Donc, deuxième point, qu'est-ce qu'il faut prêcher finalement? Nous avons parlé de l'origine de la prédication, qui est Dieu, mais qu'est-ce qu'il faut prêcher? La parole de Dieu nous dit qu'il faut prêcher, c'est qu'il faut prêcher. C'est que Jésus est venu prêcher ou proclamer ou enseigner la bonne nouvelle. On l'appelle bonne nouvelle du royaume, bonne nouvelle de Jésus. Par les autres, d'autres versions, on appelle ça l'évangile, ou alors la nouvelle du règne des dieux. Donc, s'il y a beaucoup de termes qu'on utilise, mais appelez-moi, on appelle la bonne nouvelle du royaume des dieux. Et comment il faut enseigner ça? On nous demande de l'enseigner. Non pas par rapport à ce que nous pensons, non pas par rapport à nos... en imitant nos pensées ou nos attitudes charnelles, non. Nous devons le faire selon la volonté de Dieu. Nous avons donné un exemple avec Jonas. Quand Jonas est parti, Dieu lui a demandé qu'il aille faire la mission à Ninive. Vous connaissez l'histoire, on ne va pas revenir sur toute l'histoire. Mais Jonas, quand il est parti, Jonas a fait sa mission. Et il a réussi la mission. Les gens ont accepté. Ils ont demandé pardon et Dieu a entendu le pardon. Dieu a voulu à pardonner. Mais Jonas s'est fâché. Il dit, mais comment? Parce que tout simplement, Jonas était venait de peuples qui étaient ennemis entre les Ninivites et les Hébreux. Ils étaient des ennemis. Alors lui ne voulait pas que Dieu le puisse les pardonner. Alors il l'a mis, sa chair, ses pensées charnelles dans la mission qu'on lui a donnée. Même aujourd'hui, vraiment dans les églises, quelqu'un, il est pasteur, au lieu de faire le travail comme il faut, selon que Dieu le demande, il y met ses pensées, il y met ses attitudes, il y met même ses intérêts. Vous allez voir dans une église où le pasteur il commence à se chamailler avec ses collaborateurs. Là, l'autre dit non, c'est moi qui dois être pasteur, moi je suis évangéliste. L'autre qui dit non, c'est moi le pasteur. Finalement, il y a des divisions. Ou bien vous retrouvez, c'est la femme du pasteur qui veut aussi avoir une place dans l'église. Elle veut imposer qu'elle est aussi un ministre. Mais finalement, tout ça, c'est quoi? Ce sont des aspects charnels. L'église est une institution spirituelle. C'est Dieu qui doit gérer. C'est Dieu qui doit lui-même choisir des gens qui doivent le servir. Il ne faut pas vous battre pour ça. Quand vous retrouvez dans une église où le pasteur et les collaborateurs se chamaillent à cause de place, à cause de titres, il y a un problème. C'est que Dieu n'est pas là. Ou soit, c'est l'église de Dieu et Dieu va mettre à côté ça. Parce que nous sommes tous des serviteurs. Nous devons le faire. Nous sommes des serviteurs. Dieu seul peut choisir qui peut gérer, qui peut diriger les autres. Amen. Évitez de faire du travail de Dieu comme une affaire privée, une affaire familiale, une affaire tribale. Non. Vous allez retrouver actuellement, j'ai retrouvé beaucoup en Amérique, aux États-Unis, des églises qui deviennent une histoire familiale. Un ministère de Jean-Pierre. C'est la femme, les enfants, et ça continue comme ça. Mais c'est quand même trop, ça. Est-ce que Dieu les avait choisis? Point d'interrogation. Bien, c'est comme ça. Alors, là, le point qui suit, c'est quel message pouvons-nous que le royaume de Dieu prêche? Quel message? Quel message? Vous avez, le premier message, c'est glorifier l'Éternel. Le nom de l'Éternel. Nous avons déjà, chaque fois, je reviens pour dire que le nom, il n'y a qu'un seul nom de Dieu, notre Père, et vous le retrouvez en Exode 3, 14, qui dit « Je suis ». Allez dire aux Israéliens, aux Égyptiens, « Je suis m'a envoyé ». Allez dire aux Israéliens, aux Égyptiens, aux Israélites que « Je suis ». Et « Je suis » en hébreu, c'est Yahweh, lui-même l'a prononcé. Et c'est l'une des missions qu'il nous a donné, nous, dans notre contrat, notre alliance avec le Père, quand nous avons commencé. Il dit « Élevez mon nom ». Les églises là-bas, chacun appelle il m'appelle de sa façon. Il y a même des gens qui utilisent des noms que je ne connais même pas. Mais je vous dis, vous, commencez quelque chose. Élevez mon nom, je m'appelle Yahweh. Faites de votre église un centre, un concert, là où vous devez adorer mon nom. On nous a dit, est-ce que nous l'avons fait? Point d'interrogation. Deux, comment, autre message, comment mener une vie spirituelle? Comment? En centrant sur les fruits de l'esprit. Nous avons parlé des fruits de l'esprit l'an passé. Et là, vous le retrouvez en Galates 5, 22. Il y a aussi le message de résurrection. On doit prêcher la résurrection. Vous savez, avant l'arrivée de Jésus, on ne croyait pas à la résurrection. Alors, Jésus est venu pour montrer qu'il y a la résurrection. La résurrection, c'est quoi? C'est le passage de la vie mortelle, la vie spirituelle mortelle à la vie spirituelle immortelle. Donc, vous vivez éternellement dans le royaume de Dieu. Il y a aussi le message de pardon. Dieu nous a pardonné. Nous avons été des pécheurs, nous avons désobéi. Mais Dieu nous a prouvé qu'il est le Dieu miséricordieux. Il y a aussi le message. Nous devons imiter Jésus-Christ. C'est lui que nous devons imiter. Le point qui suit, c'est pourquoi prêcher la bonne nouvelle? Pourquoi? Nous prêchons la bonne nouvelle, première chose. C'est pour former les disciples. Nous allons aller à Matthieu 28, 28, 19, Matthieu chapitre 28, 19, 20, il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. Allez, faites toutes les nations des disciples. C'est la mission qui est faite. Pourquoi nous devons prêcher, c'est faire, aider les autres. À quoi avoir la lumière? La lumière, c'est quoi? C'est connaître la connaissance de Dieu. Amen. Et puis les baptiser. Vous voyez, si on dit au nom du Père et du Fils, on ne dit pas Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Parce que ce verset ici, Hein? Aujourd'hui, il y a des églises, beaucoup des églises sont sous ce qu'on appelle, on dit que Dieu, dans Dieu, il y a trois personnes. Et ça, c'est ce qui justifie la Trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Il n'y a pas de Dieu le Père ici. On dit, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand nous avons parlé du baptême, le baptême c'est juste une promesse, hein, de bonne conscience entre l'homme et Dieu. Et quand vous acceptez que, voilà, je remets ma vie vers toi, mon Papa Yahweh, et je reconnais qu'à travers le Christ, je serai ressuscité, il y a le salut. C'est ça, le baptême. Maintenant, quand on dit au nom du Père, c'est pour dire simplement, en reconnaissant, hein, ce salut à travers le Christ, on reconnaît aussi, hein, les trois fondements de l'Église chrétienne. Il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Père étant la source de toutes choses, le Fils étant le corps, le ministère, et le Saint-Esprit, c'est les dons. Vous retrouvez cette explication dans 1 Corinthiens 12, chapitre 12, verset 4 à 6. On vous démontre que le Père, le Fils et le Saint-Esprit veut tout simplement dire que le Père, c'est lui la source de toutes choses. Le Fils, c'est le corps qui s'occupe du ministère, de l'Église, hein, des prédications, celui qui nous aide. Sinon, moi, je me mets devant vous. C'est lui, l'Esprit du Christ, mais dans le faire. Il y a aussi ce qu'on appelle les dons. Les miracles, c'est comme tout ce qui concerne les dons, c'est l'Esprit Saint qui le fait. Donc, il n'y a rien ici qui montre qu'il y a trois dieux. Ou bien dans Dieu, il y a trois dieux. Dans un seul Dieu, il y a trois personnes, il n'y en a pas. Est-ce que vous voyez, on a parlé de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit? Non. Mais les doctrines, les théologies, les églises ont démontré que c'est ça les versets qui disent que dans Dieu, il y a trois personnes. Il n'y a pas trois personnes, il n'y a qu'un seul Dieu. Et c'est la notre mission, que chacun d'entre nous doit être en mesure de le prouver correctement. Alléluia. Amen. Alors, deuxièmement, pourquoi devons-nous prêcher la nouvelle, la bonne nouvelle? Il y a aussi, c'est un devoir. C'est un devoir. Ce n'est pas... faut pas chercher. Il y a des gens qui font de la prédication une affaire, un intérêt. Non, nous ne sommes que des serviteurs. Nous ne sommes que des serviteurs. Hein? Dieu ne nous doit rien. Parce que la parole de Dieu nous dit, en Matthieu 5, verset 19, que pour être grand dans le royaume, nous devons enseigner les autres. Nous allons aller à Matthieu 5, verset 19. Il nous dit ici que c'est lui qui supprimera l'un de ses plus petits commandements, qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé plus petit dans le royaume. Ça veut dire quoi? Supprimer, ça veut dire que c'est lui qui va éviter, hein, de le faire connaître. Il sera petit dans le royaume. Vous vous rappelez, nous avons parlé de les conditions pour entrer au royaume. Écoutez la parole de Dieu. Enseignez la parole de Dieu. Pratiquez. Écoutez, pratiquez. Il y a aussi enseigner. Si vous n'enseignez pas, vous serez petit. Amen. Vous devez enseigner. Vous devez enseigner. Nous devons enseigner, pas vous devez. Nous devons. Et cela, ce n'est pas un droit que vous devez réclamer, que Dieu vous donne. Non. C'est notre devoir. C'est pourquoi nous sommes des serviteurs inutiles. Quand vous faites vous enseignez, il ne faut pas vous prévaloir. Il ne faut pas vous montrer aux gens que vous avez fait quelque chose de grave. Non. Un enseignant, c'est un homme qui est généreux. Vous devez être un généreux. Vous faites votre devoir. Amen. Rappelez-vous de ce qu'on appelle le serviteur inutile. Il y a aussi, ça nous permet, prêcher nous permet d'annuler, d'enlever les confusions dans les têtes des gens. Quand vous prêchez, vous lisez la parole. Quand vous lisez la parole, vous avez la lumière sur les confusions. Actuellement, on vous dit qu'il y a dans Dieu, il y a trois personnes. C'est une confusion. Nulle part dans la Bible. Nulle part. On vous dit qu'il y a trois personnes. Je viens de vous lire, on dit Père, Fils, Saint-Esprit. C'est en rapport avec le fondement de la foi. Il y a le Père, qui est la source, le Fils, qui est le corps, qui s'occupe du ministère et de l'Église, et le Saint-Esprit dedans. Donc, nulle part, vous allez voir dans la Bible, on écrit Dieu le Père. Et non, Dieu le Fils. Nulle part. Allez chercher, vous ne verrez pas. Nulle part vous verrez dans la Bible, on vous parle de Dieu, Dieu le Saint-Esprit. Ça n'existe pas. Mais alors on vous dit que les trois, Jésus est Dieu, le Saint-Esprit. Non, ce n'est pas possible. On dit que Dieu est esprit. On ne dit pas que Dieu est Esprit Saint. Dieu est esprit, ça veut dire qu'il est invisible. Amen. Alors nous allons aussi parler de... Ça nous permet aussi d'exhorter les gens à pratiquer l'amour et à se préparer pour le salut. Nous sommes ici sur terre, juste comme pour préparer une vie qui va venir. Donc, ce n'est pas la fin ici, c'est juste une petite étape. Si vous prenez la durée d'une journée, prenez une seconde. Une seconde concerne notre vie sur terre et toute la journée, c'est après. Donc, il ne faut pas perdre pour une seconde, vous perdez votre journée. Et le point qui suit, quels sont les fruits de la bonne prédication? Le fruit, qu'est-ce que nous gagnons quand la prédication est bien faite? Première chose, la stabilité de l'Église. Quand la prédication est comprise, la prédication est acceptée, la prédication est vraiment fondée, l'Église est soudée. Il y a un amour mutuel entre les membres. L'entraide est là. Chaque membre essaie de pratiquer, d'enseigner, d'écouter, de lire quotidiennement la parole de Dieu, faire la volonté de Dieu. Quand en tout cas dans une église où la prédication est bien faite, tout va bien, parce que tout le monde comprend, tout le monde essaie de pratiquer, la volonté de Dieu se fait sentir, et vous sentez même que l'Esprit Saint travaille. Autre chose, quand la prédication est bien faite, il y a une bonne préparation dans la nouvelle génération, parce que vous devez savoir qu'on ne peut pas rester toujours avec, il y a des gens qui doivent prendre la relève. Nous prêchons aujourd'hui, demain ce sont les autres qui vont venir, les jeunes. Alors, quand la prédication est bonne, les jeunes sont bien formés, ils sont bien enseignés, pour un jour, Dieu va choisir parmi eux ceux qui vont continuer avec la mission. Et aussi, tout le monde connaît la mission de l'Église. L'Église, tout le monde doit connaître comme nous sommes aujourd'hui ici. Chacun doit connaître pourquoi nous sommes ici. On n'est pas venu pour venir. Il y a beaucoup d'églises qui existent. Nous sommes ici, il y a l'église catholique. Pourquoi nous ne sommes pas allés là-bas? Nous sommes ici. Donc, tous, vous devez... Si on vous pose la question à l'extérieur, pourquoi vous entrez là-bas? Chacun doit expliquer pourquoi nous entrons et les différences entre cette église et l'autre église. Si vous ne savez pas, donc, c'est terrible. Ce sera un terrible. Amen. Donc, une bonne prédication permet tout cela. Et quel est le prédicateur que le Seigneur recherche, le vrai prédicateur? Le prédicateur que le Seigneur recherche, c'est qui? C'est celui qui restera fidèle, qui va persévérer jusqu'au bout. Et celui-là qui tiendra jusqu'au bout. Jésus promet de lui donner le pouvoir sur les nations, de lui donner son étoile, l'ange qu'on appelle l'étoile du matin. Amen. Amen. Donc, efforçons-nous, chers frères et sœurs, à être des bons prédicateurs. Donc, c'est celui que nous devons travailler fidèlement, avec persévérance jusqu'au bout, pour que le Seigneur Jésus-Christ nous donne le pouvoir de faire des miracles, le pouvoir de faire des grandes choses, et aussi qu'il nous donne son ange, on appelle l'étoile du matin. Et puis, nous allons terminer la prédication de ce jour par le message dont je vous ai parlé tout au début. Ça concernait le message de papa. Et alors, il nous a demandé est-ce que chacun d'entre nous est en mesure de défendre la vérité. Rappelez-vous, quand nous sommes venus, nous avons commencé. D'ailleurs, nous ne savions même pas comment il fallait commencer, mais on nous a dit de commencer. Et après, nous sommes retrouvés que c'était les jours de Pentecôte. Ça fait maintenant 9 mois. 9 mois pour un couple, c'est déjà un enfant va être là. Donc, j'estime que dans chacun d'entre nous, il va y avoir un petit changement à nous. Nous devons être, au lieu de nous, quelque chose devait déjà changer à nous par rapport à ce que nous étions avant. Est-ce que chacun d'entre nous a connu un changement? Le Seigneur dit ceci, c'est vrai, il connaît les difficultés que nous endurons, il connaît les critiques, il connaît les combats, mais il est toujours derrière nous. Voilà pourquoi les gens croyaient que ça allait tomber, les attaques sont par-ci par-là, mais Dieu nous protège. Peut-être que vous ne savez pas. Il y a des attaques très très sérieuses pour faire chuter cette église. Mais Dieu nous a protégés parce qu'il est fidèle. Est-ce que nous, de notre côté? Alors il nous demande de ne pas vraiment baisser les bras, de continuer, de ne pas craindre. De continuer, de ne pas craindre. Hein, continuez à pouvoir compter sur lui. Parce que lui, il est fidèle, il nous a promis. Il dit, évitons, méfions-nous des critiques. Il ne faut pas qu'on nous critique, parce qu'on dit n'importe quoi, alors nous devons chercher à baisser les bras. Non. Lui, il est là, il nous soutient. Nous pouvons nous estimer. Parfois, on s'estime faible. On dit, les gens ne viennent pas. Non, on n'est pas faible. Nous sommes vraiment très riches. Le Seigneur dit que ne croyez pas que vous êtes faible. Vous êtes très riche, très puissant. Apparemment, on peut vous négliger, mais spirituellement, vous êtes très fort. Amen. Mais il y a autre chose que le Seigneur a dit, que il a remarqué que l'amour de départ s'est refroidi. L'amour que nous avions au départ quand il est venu vers nous a diminué par rapport à aujourd'hui. Et cela pour deux raisons. La première raison, c'est la peur. Il paraît, il y a la peur. Il y a certains qui ont peur. La peur, hein, d'échouer. On se demande, est-ce que cette église va tomber? Cette église va... Hein, les gens ne viennent pas. Et ils ont peur. Et la peur a causé à ce que l'amour puisse diminuer. Je vous ai dit que le Seigneur a dit que cette église ne tombera pas. Les églises vont tomber ailleurs. Mais cette église va rester. Vous allez voir. Deuxième raison de peur, il y a des gens qui ont la peur des enseignements. Des enseignements que depuis que nous avons, je venais enseigner des choses qui étaient un peu nouvelles, ça créait beaucoup de confusion. Il y a des gens qui avaient peur que ces enseignements ne créent des difficultés, des critiques. Mais Jésus, Dieu nous dit, rappelez-vous, quand il est venu, il nous a dit quelque chose. Pas même pas à moi, il a dit à vos parents. Que vous allez commencer un travail nouveau. Un travail nouveau. Je vais vous donner moi-même, je vais donner la nourriture que vous allez donner aux autres. Donc, il n'y a pas de raison d'avoir peur. Évitez la peur. Évitez les critiques. Restez fidèles. Le Seigneur nous recommande de rester fidèles. Il a dit même qu'il y a des gens, hein, par peur, ils ont refusé les enseignements. Ils sont rentrés. À des anciennes croyances. Or, Dieu nous a dit qu'il va nous donner des enseignements, qu'il est le seul Dieu, il n'y a pas toi Dieu, il n'y en a pas, Jésus n'est pas Dieu. Mais il y a d'autres parmi nous ici, Dieu a dit, qu'ils sont rentrés, qui ont refusé les enseignements, qui ont fait semblant d'accepter, mais ils allaient encore consulter les anciens enseignements. Les anciens enseignements. Et donc, pourquoi par peur? Le Seigneur dit, gardez foi, ayez foi, n'ayez pas peur. Il nous a promis que le travail sera un travail différent, et voilà, c'est pourquoi il y a de nouveaux enseignements. Donc, n'ayez pas peur. C'est ça un peu le message d'aujourd'hui. Ne rentrez pas, chers frères et sœurs. Hein? N'ayez pas peur et allez encore rentrer aux nouveaux, aux anciens enseignements. C'est comme une femme qui est mariée, il a avec plein d'amour, mais après quelques mois, il y a des difficultés. La femme remet la bague, elle dit non, je rentre un peu à la maison. Non, c'est pas comme ça. Parce que je vois que ton boulot, on commence à chasser les gens au travail, et ça ne donne pas vraiment une bonne vision. Tu risques d'être chassé du boulot, alors je rentre un peu à la maison. Et il va à la maison, il commence encore à créer des relations avec ses anciens copains. C'est ce que nous en faisons. Le Seigneur nous a donné le travail. Lui, il est venu vers nous. Lui, il nous protège. Il est avec nous. Mais vous avez, parmi nous, il y a des gens qui ont peur. Ils sont rentrés. Ils ont commencé encore à chercher nos anciennes croyances. Aller écouter des enseignements qui ne sont pas propres. Au lieu, d'aller les enseigner, maintenant ils sont encore rentrés à écouter les enseignements qui n'étaient pas corrects aux yeux de Dieu. Mais Dieu est toujours fidèle. Dieu veut que nous puissions marcher sans peur. Nous demeurions fidèles jusqu'au bout. Lui nous défendra. Lui, il va se lever. Lui, le Père qui est toujours fidèle, il va se glorifier. Et nous, notre tâche, c'est défendre la vérité. La vérité, c'est quoi? Il nous a dit qu'il est le seul Dieu. Le seul Dieu, son nom, c'est Yahweh. Il n'y en a pas deux ou trois. Et chacun d'entre nous doit être en mesure de le défendre. Bibliquement, par la parole. Quand vous rencontrez quelqu'un, vous lui demandez, vous êtes en mesure de dire non, allez dans tel verset, vous le trouvez. S'il vous dit non, donnez-moi, demandez-lui son verset. Vous devez défendre que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Mais c'est la voie recommandée pour le royaume des cieux. L'Esprit Saint, c'est une parmi les trois fondations de notre foi, qui s'occupe de nous. Donc, chers frères et sœurs, c'était ça l'enseignement d'aujourd'hui. Je vous remercie pour avoir écouté et je remercie l'Éternel pour nous avoir permis de transmettre ou d'être utilisé comme juste un instrument par lequel l'Esprit nous apprécie aujourd'hui. Je me résume en disant aujourd'hui nous devons parler de la parole de Dieu, non de la prédication. Mais avant, nous avions eu un message. Le message disait, est-ce que chacun d'entre nous, ça fait 9 mois, est en mesure de défendre les vérités? Sommes-nous fidèles? Papa Aaron nous avait dit, une femme qui n'est pas bonne détruit sa maison elle-même. Vous ne pouvez pas être marié et après qu'il y a des difficultés, vous rentrez chez vous, vous remettez la bague. Ce n'est pas possible. Et après 9 mois, en tout cas, l'enfant doit naître. Est-ce qu'en vous, vous vous sentez déjà capable? Sentez-vous un changement en vous? Parce qu'un homme chrétien, un homme spirituel, tu ne peux pas faire 1 mois sans qu'il y ait un changement. En lisant la parole chaque jour, en écoutant les gens, il doit avoir un changement dans la façon de vivre, dans la façon de vos rêves. Vous devez changer. Parce que là, le Seigneur doit agir. Donc, aujourd'hui, c'était la prédication. La prédication est très capitale parce que ça nous rend grands aux yeux de Dieu. Hein? Pour être grand dans le royaume des cieux. Non seulement écouter, non seulement pratiquer, mais il faut enseigner les autres. C'est la fin du partage d'aujourd'hui. Que le Seigneur Yahweh, l'Éternel le Dieu, nous bénisse tous et nous aide à pouvoir bien cultiver cette semence que nous avons reçue aujourd'hui. Alléluia. Amen. Amen. Amen. Ah.